Chapitre 20. La boussole. Avez-vous l'habitude de ça? Ce furent les premiers mots que réussit à prononcer Blasius une fois de retour à la surface. Il s'était appuyé contre l'une des colonnes en ruine des bains antiques, inspirant profondément par le nez sous les regards sourcilleux des marchands de fruits. Son pantalon, trempé de transpiration, avait perdu tout son bouffant. Ophélie se rendit à la fontaine la plus proche pour lui chercher de l'eau potable. L'atmosphère brûlante du bazar, bourdonnante de monde et d'insectes, offrait un contraste saisissant avec les catacombes. « Je suis désolée, » dit-elle en tendant un gobelet à Blasius. « Vraiment désolée. » C'était tout ce qu'elle pouvait répéter encore et encore. Ce qu'elle avait vécu au pôle, les oubliettes du clair de lune, le chevalier et ses hosquis, les caprices de Farouk, les innombrables tentatives d'assassinat, sans même mentionner sa rencontre avec Dieu, l'avaient rodée aux intimidations. Mais cela, c'était une part de sa vie à elle, pas celle de Lali. Blasius la considéra avec des yeux exorbités. « Encore un peu et mon cœur cédait. Good Lords ! C'est lui, n'est-ce pas ? C'est lui qui a tué Miss Silence. Je l'ignore. » Et ce n'était pas sans exaspérer Ophélie. Le sans-peur aurait eu beaucoup à lui apprendre si elle l'avait rencontré dans d'autres circonstances. « Ça va aller ? » s'inquiéta-t-elle. Blasius acquiesça, mais ce simple hochement de tête lui fit régurgiter toute l'eau qu'il venait d'avaler. « Vous devez me trouver très émotif, Miss Lily. » dit-il en s'essuyant la bouche d'un geste humilié. « La vérité est que j'ai la phobie des chats. Celui-là était particulièrement gros. Je suis vraiment, vraiment désolée, » murmura Ophélie alors que les gongs du bazar retentissaient. « Ma permission touche à son terme. Je dois rentrer à la bonne famille, délivrer mon message et réclamer ma contrepartie, » acheva-t-elle en pensée. Si fort que fût son désir de rester auprès de Blasius, le besoin de savoir ce que Médiana avait à lui apprendre sur Thorn était, lui, impérieux. « Il nous faudra remettre ça ?» s'efforça-t-elle de plaisanter. « Centigradant de sabre ?» Alors qu'elle lui rendait son turban, aussi débobiné qu'une pelote de laine, Blasius tordit les lèvres en une grimace qui se voulait probablement un sourire. « Well, une prochaine fois, peut-être ?» Encore désolée. Ophélie aurait voulu ajouter quelque chose de plus intelligent, mais une fois encore, les mots se dérobèrent à elle. Elle traversa le bazar au pas de course, trébuchant sur les tapis et bousculant les badauds. Elle était convaincue que ce premier rendez-vous avec Blasius serait aussi le dernier. Elle était tout aussi convaincue que c'était préférable ainsi. Alors pourquoi ne supportait-elle pas cette idée? À chaque foulée, la colère lui enflammait le sang. Médiana l'avait délibérément mise en danger. Elle n'avait pas hésité à se servir de son secret le plus intime, à jouer avec son espoir le plus fragile pour satisfaire sa propre curiosité. À présent qu'Ophélie avait rempli sa part du marché, elle avait un très mauvais pressentiment. « Qui sème le vent récolte la tempête. » « Si Médiana m'a menti, » songea-t-elle en serrant les mâchoires, « si elle a tout inventé au sujet de Thorn, je ferai en sorte de devenir moi-même cette tempête. » Comme s'il reflétait son état intérieur, le ciel devenait de plus en plus lourd. Des miasmes de nuages bouillonnaient au-dessus de Babel, mais c'était un orage sans éclair, sans vent et sans pluie. Ophélie reprit péniblement son souffle en remontant la rampe, bordée de pins parasols, qui menait au belvédère. Les tours quotidiens de Stadium n'avaient pas encore fait d'elle une athlète. Elle soupira de soulagement en constatant qu'elle arrivait juste à temps. Les wagons du tramoiseau étaient en train d'atterrir sur les rails du quai, portés par les puissants battements d'ailes des chimères. Il en sortit bientôt un flot de passagers. Ophélie monta à bord, inséra sa carte dans le rodateur et se chercha une place. Ce ne fut pas simple. Les étudiants de toutes les académies passaient leur dimanche en ville et ils attendaient toujours le dernier tramoiseau pour rentrer au pensionnat. À peine fut-elle assise qu'Ophélie entendit de l'autre côté de la vitre un cliquetis mécanique qui la fit bondir. Un fauteuil roulant manœuvré par un adolescent à la peau sombre et aux habits blancs s'éloignait sur le quai, au milieu des voyageurs qui venaient de débarquer. Ophélie se précipita vers la portière la plus proche, puis se pencha par-dessus le marchepied. « Ambroise !» Il l'avait entendu. Ophélie le sut à la façon dont ses épaules avaient tressailli à son nom. Il l'avait entendu, mais il poursuivit sa route, sans se retourner. Ophélie ne criait jamais. Pourtant, elle ne put retenir l'appel implorant qui lui jaillit des poumons. « Ambroise !» Elle vit les mains inversées se cramponner au levier du fauteuil roulant, comme si elle luttait contre l'envie de l'arrêter sans pouvoir s'y résoudre. Ophélie voulut courir jusqu'à lui, le regarder dans les yeux, lui demander ce qu'elle avait fait pour le fâcher, le supplier de ne pas la laisser affronter seule tout ce qu'il lui fallait encore affronter. Cette seconde d'hésitation lui fit passer sa chance. La responsable de bord referma la portière du wagon. Elle jaugea la toge et les sandales d'Ophélie qui avaient perdu toute leur blancheur dans la poussière des catacombes. « On ne se donne pas en spectacle sur la voie publique sans pouvoir. Faites-vous encore remarquer, je vous colle un procès-verbal. » Tandis que le tramoiseau s'élançait sur les rails et reprenait lourdement son envol, Ophélie se rassit à sa place. Avec des gestes las, elle ôta ses lunettes, appuya son front contre la fenêtre et contempla les nuages flous qui tourbillonnaient dans le vide. Elle se sentait démoralisée. Son mauvais pressentiment était devenu une certitude. Mais Diana ne lui dirait rien du tout. Blasius ne voudrait plus avoir affaire à elle. Il lui retirerait son amitié, comme Ambroise l'avait fait avant lui. Ophélie n'accéderait pas au secrétarium, ne connaîtrait pas le passé de Dieu, ne retrouverait pas Thorne. Elle serait à jamais l'esclave d'un chantage et passerait le restant de ses jours à faire des petits trous dans des cartes. Ce fut la voix de la responsable de bord, à travers les pavillons du tramoiseau, qui la sortit de sa torpeur. « L'apprenti virtuose Eulalie, membre de la deuxième division de la Compagnie des avant-coureurs, est prié de se présenter en tête de train. » Ophélie remit ses lunettes et se leva sous les regards curieux des étudiants. Elle était tout aussi surprise qu'eux. Elle joua des coudes pour traverser l'enfilade des wagons et atteindre le compartiment des contrôleurs. La responsable de bord, qui était en train de répéter son annonce dans le cornet vocal, s'interrompit en la voyant arriver. « Qu'est-ce que vous voulez sans pouvoir ?»« Vous m'avez appelé ? Je suis Eulalie. »« Vous êtes une apprentie virtuose ?»« Vous êtes une apprentie virtuose. » redit-elle sur le ton du constat cette fois, en avisant la carte estampillée de la bonne famille que lui remit Ophélie. « Je vous imaginais plus... moins... bref, c'est une bonne nouvelle de vous avoir enfin trouvé, Miss Eulalie. Je passe cette annonce en boucle depuis 2 heures. »« 2 heures ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? » La responsable de bord ôta sa casquette et passa un mouchoir sur l'ovale rose de son crâne, rasé selon la tradition cyclopéenne. L'air était plus étouffant encore à l'intérieur du train qu'à l'extérieur. « J'ai pour seule consigne de vous conduire au mémorial. Lady Septima, gloire à Lux, vous y a convoqué de toute urgence. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais l'affaire semble sérieuse. » Ophélie sentit ses jambes vaciller, frappées de plein fouet par l'évidence. Mais Diana ne l'avait pas envoyée au café-théâtre pour se servir d'elle, mais pour s'en débarrasser. Elle l'avait dénoncée à Lady Septima, ni plus ni moins. Ophélie risquait l'exclusion. Pire, la prison. Elle refoula la bouffée de panique et de fureur qui montait en elle et résonna à pleine vapeur. Si Lady Septima voulait la voir au mémorial et non au conservatoire, c'était pour éviter de passer par Hélène. Peut-être Ophélie aurait-elle une chance en plaidant sa cause auprès de la directrice. « Je dois descendre d'abord à la bonne famille, » dit-elle avec tout l'aplomb dont elle était capable. « Je suis en civil. » Je ne peux pas me présenter à Lady Septima sans l'uniforme réglementaire. » La responsable de bord parut réfléchir à la question, puis elle empoigna son cornet vocal. « Votre attention, s'il vous plaît. De façon exceptionnelle, ce train sera sans arrêt jusqu'au mémorial. Nous vous demandons de bien vouloir patienter. Nous desservirons chaque académie sur le voyage du retour. La compagnie des tramoiseaux fournira une attestation de retard à tous ceux qui en feront la demande. » « Vous, Miss Eulalie, vous restez bien sagement ici, » ordonna la responsable de bord après avoir raccroché son cornet. Si vous avez la conscience propre comme tous les honnêtes citoyens, vous n'avez rien à craindre. » Ophélie s'assit sur le strapontin qui lui fut assigné. Le piège était refermé. Elle croisa les mains sur ses cuisses pour tenter de dissimuler leur tremblement. Elle chercha des yeux une échappatoire tout en sachant pertinemment qu'elle n'en trouverait pas. Toutes les portes du train débouchaient sur le vide. Il n'y avait pas de miroir à bord, et quand bien même il y en aurait eu, serait-elle encore capable de les traverser? Depuis son arrivée à Babel, il ne s'était pas écoulé un jour sans qu'elle eût menti à quelqu'un sur son identité ou sur ses intentions. Cette imposture était plus conséquente que toutes les comédies qu'elle avait pu jouer par le passé. Ce n'était pas seulement un déguisement, comme l'avait été la livrée de mime. C'était une autre peau qui, jour après jour, était devenue une seconde nature. À force de se prendre pour Eulalie, pouvait-elle toujours prétendre être Ophélie? Le trajet jusqu'au mémorial lui parut atrocement long et abominablement court. Ses pires craintes furent confirmées quand elle vit une patrouille de vigiles la guetter sur le débarcadère. Il n'était pas armé, ce seul mot constituait un délit, mais il n'avait pas besoin de l'être. C'étaient tous des nécromanciens, les maîtres de la température, capables de pétrifier de froid d'un seul regard. Ils étaient aussi d'excellents fabricants de congélateurs. Ils escortèrent Ophélie sans lui adresser la parole. Au moment de passer devant la statue du soldat sans tête, elle se sentit pareille à une criminelle conduite en cour martiale. Une fois franchies les grandes portes vitrées du mémorial, elle fut écrasée par le silence qui régnait à l'intérieur. Ce calme-là n'avait rien à voir avec le chuchotis coutumier des lecteurs. C'était une absence absolue de bruit. Les grandes galeries circulaires des étages étaient toutes désertes, conférant au lieu l'allure d'un temple abandonné. La chape de nuages qui pesait sur la rotonde répandait son ombre dans chaque recoin. Le globe suspendu du secrétarium, dont le métal scintillait habituellement au soleil, évoquait aujourd'hui une planète morte. Les nécromanciens firent emprunter à Ophélie le transcendium septentrional. Elle se crispa en apercevant, au milieu de l'immense couloir vertical, une petite silhouette aux yeux rougeoyants. Quand Ophélie se fut suffisamment approchée, elle eut la surprise de voir qu'il ne s'agissait pas de Lady Septima, comme elle l'avait d'abord supposé, mais de son fils, Octavio. Il l'observait à travers les longues mèches noires de sa frange et sa chaîne sourcilière. Il se dégageait de lui une telle méfiance qu'Ophélie se sentit condamnée avant même d'avoir été jugée. « Tu fais attendre tout le monde, apprentit Eulalie. » Elle ne répondit pas. Elle savait qu'à compter de maintenant, chaque parole serait susceptible de se retourner contre elle. Elle ne dirait rien tant qu'elle ne saurait pas de quoi exactement elle était accusée. Elle pensait qu'Octavio allait la mener au salon privé où Lady Septima et les lords de luxe tenaient leur quartier, au dernier étage du mémorial, mais au lieu de cela, il sortit une clé de son uniforme. Ophélie n'en crut pas ses lunettes, lorsqu'il l'introduisit dans la serrure d'une borne qui déploya une passerelle métallique jusqu'au secrétarium. Cette terra incognita qu'on lui avait interdite quand elle jouait les élèves modèles, elle y était conviée maintenant qu'elle l'avait déméritée. C'était formidablement ironique. Elle suivit Octavio sur l'hélice d'escalier qui permettait de basculer de la station horizontale du transcendium à la station verticale de la passerelle. À peine Ophélie s'engagea-t-elle sur cette dernière que ses mains se cramponnèrent à la double rampe. Elle avait beau ne pas être sujette au vertige, il se trouvait à plus de 30 mètres au-dessus du sol. L'idée de marcher sur un appontement qui pouvait être rappelé d'un simple tour de clé n'aidait pas tellement à se sentir à l'aise. Elle eut un bref regard en arrière pour les nécromanciens qui, restés sur le transcendium, se tenaient perpendiculairement à eux. Plus Ophélie se rapprochait du globe en apesanteur, plus elle en mesurait le gigantisme. Le revêtement en or rouge de la croûte terrestre se creusait à l'emplacement des océans et dessinait en relief les contours des continents. La porte blindée qu'Octavio ouvrit, quelque part dans une mer australe, était d'une dimension très respectable. Elle faisait pourtant l'effet d'un minuscule trou de serrure. Ophélie passa de l'autre côté. Tout ce que son imagination avait pu concevoir sur ce sanctuaire inaccessible vola aussitôt en éclats. L'intérieur du secrétarium était une copie conforme de l'intérieur du mémorial. Des galeries, desservies par des transcendiums, s'étageaient en anneaux autour d'un puits de lumière naturelle. Il y avait même en suspension, entre son atrium et sa coupole, un globe terrestre qui était l'exacte réplique de celui qui le contenait. Les architectes avaient pensé le site entier comme une poupée gigogne. Dans les galeries de droite, des milliers d'antiquités étincelaient le long de bibliothèques vitrées éclairées par les ampoules froides d'Héliopolis. Dans les galeries de gauche, des rangées entières de cylindres tournaient sur leur axe dans un ronronnement permanent. Ophélie savait qu'autour de chaque cylindre était enroulée une carte perforée et que chaque carte perforée décrivait un document. L'ensemble formait un enchevêtrement de rouages et d'engrenages qui ressemblait aux entrailles d'un orgue de barbarie. Il est vrai que tu viens ici pour la première fois, commenta Octavio qui épiait chacune de ses réactions. Le secrétarium est comme le mémorial, divisé en deux parties jumelles. Les collections rares sont entreposées dans l'hémisphère oriental et la base de données dans l'hémisphère occidental. Et ceci ? Demanda-t-elle en montrant du doigt le globe qui flottait au-dessus d'eux. Un deuxième secrétarium ? Ophélie avait rompu malgré elle le mutisme qu'elle s'était imposé. Un simple globe décoratif, répondit Octavio. Ah, voici ta responsable de division. Elle eut un sursaut d'espoir en voyant qu'en effet Élisabeth traversait l'atrium pour se diriger vers eux. Elle lui parut plus solennelle que jamais. Ses cheveux fauves se soulevaient comme une cape à chaque pas et sa figure était moins expressive encore qu'à l'accoutumée. « Du nouveau ?» Élisabeth avait adressé sa question à Octavio uniquement. « Rien à signaler, personne n'est entré dans le mémorial ou n'en est sorti, exception faite de l'apprenti Elali. » « Très bien, allons-y. » Ophélie les suivit en luttant contre le vertige qui la saisissait. Peut-être était-ce la lourdeur des nuages au-delà des coupoles, mais elle commençait à manquer d'air. Ce n'était pas sa descente dans les catacombes qui était l'enjeu de cette convocation. Il y avait autre chose, de bien plus grave encore. La montre de Thorne, contaminée par sa nervosité, fit claquer son couvercle dans une poche de sa toge. La question n'était plus de savoir si Médiana l'avait trahi, mais jusqu'à quel point. Ils s'arrêtèrent devant une porte à air comprimé. « Nous n'avons pas l'autorisation d'entrer avec toi, » expliqua Élisabeth après l'avoir ouverte. « Tout ce qui se passe là-dedans est hautement confidentiel. Bonne chance. »« La chance n'existe pas, » intervint Octavio d'un ton froid. « Nous sommes les seuls auteurs de nos destinées. Mais cela, » ajouta-t-il à mi-voix, « l'apprenti Ulali le sait déjà. » Ophélie ne savait rien du tout, et c'était bien cela le problème. Elle entra à pas incertain dans une salle austère, apparemment destinée à la consultation des documents. Elle possédait pour seul et unique mobilier un grand pupitre de bois précieux sur lequel était penchée Lady Septima. « La porte !» ordonna celle-ci. Ophélie fit pivoter le volant de la poignée jusqu'au déclic de verrouillage. Il régnait un tel froid à l'intérieur qu'elle avait l'impression de s'enfermer dans une chambre frigorifique. Ses pieds nus dans ses sandales furent parcourus de picotements douloureux. « Avancez !» Lady Septima avait prononcé cette injonction sans état d'âme, calme et distante comme à son habitude. Elle tourna lentement vers Ophélie des yeux qui flamboyèrent comme deux phares dans la pièce peu éclairée. « Aimez-vous les puzzles ?» Ophélie battit des paupières. Ce n'était pas l'interrogatoire auquel elle s'était préparée. Elle s'approcha prudemment du manuscrit que lui désigna Lady Septima sur le pupitre. Il était ancien, à en juger par son état de délabrement. Les caractères pâles qui couraient à travers les pages étaient écrits, aux rares endroits lisibles, dans une langue inconnue. Ce furent les feuilles de notes posées sur l'autre versant du pupitre qui retinrent surtout son attention. « La traduction de Médiana, » réalisa-t-elle. « Pourquoi me demandez-vous ça, à moi, plutôt qu'à elle ?» Lady Septima ne répondit pas. Ophélie sentit alors tous les muscles de son corps qu'elle n'avait cessé de contracter depuis son trajet en tramoiseau se relâcher au point de la faire chanceler. La rage qu'elle avait accumulée contre Médiana s'évapora en un instant. « Que lui est-il arrivé ? Lady Septima réprima le rictus qui avait étiré sa bouche, chassant de son visage toute trace d'émotion personnelle. Une division presque entièrement composée de devins, et pas un seul parmi eux n'a été capable de voir l'avenir de leur propre cousine. Ils couvrent de honte tous les avant-coureurs, bref. Se ressaisit-elle en levant le menton. Sir Henry exige qu'on lui fournisse un remplaçant au pied levé. Même si j'émets de sérieuses réserves à votre rencontre, force est d'admettre que vous êtes la candidate la plus habilitée pour ce travail. La moins incapable, en tout cas. Il faudra vous rendre digne de l'honneur que Lux vous accorde, apprenti Eulalie. Je vais prévenir Sir Henry de votre arrivée, ajouta-t-elle en s'éloignant d'un pas martial. Vous pouvez jeter un regard sur le manuscrit, mais n'y toucher sous aucun prétexte. Manipuler un document de cette valeur se fait selon un protocole que vous ne maîtrisez pas encore. Lady Septima entra dans une cabine d'ascenseur au fond de la salle. Il s'éleva dans un bruit de rouage dès qu'elle en actionna le levier. Une fois seule, Ophélie s'appuya des deux mains au pupitre et fixa longuement le manuscrit sans le voir. Des vagues d'émotions contradictoires s'entrechoquaient en elle, faisant passer ses lunettes par toutes les couleurs. Soulagement, incrédulité, exultation, détresse. Détresse ? Après tout, ce que Médiana lui avait fait endurer, était-il réellement possible qu'Ophélie se sentît concernée par son sort? Elle était devenue avant-coureuse pour se trouver à l'endroit exact où elle se tenait maintenant. Ses vraies recherches allaient enfin pouvoir commencer. Elle aurait dû se réjouir. Alors pourquoi était-elle terrifiée? Ce fut un tac-tac impérieux dans sa toge qui l'attira de son flot tumultueux de pensées. Ophélie tira sur la chaîne de sa montre pour l'examiner. Le couvercle ne cessait plus de s'ouvrir et se refermer comme en proie à une crise d'épilepsie. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. « D'accord, on se calme !» murmura Ophélie autant pour la montre que pour elle. Elle bloqua le couvercle de son pouce, mais les aiguilles prirent aussitôt la relève, tournoyant en une valse endiablée. À intervalles réguliers, elle s'arrêtait tout en même temps, pointant encore et encore la même heure. 6h30 et 30 secondes. Ophélie se tourna vers l'ascenseur dont les rouages s'étaient à nouveau actionnés. Sir Henry avait beau être un automate, ce ne serait pas lui faire bonne impression que de se débattre devant lui avec une montre à gousset détraquée. Elle sourcilla. Les aiguilles avaient brusquement changé d'heure, pointant tout à présent obstinément midi pile. Non! Les aiguilles n'indiquaient pas l'heure, elles indiquaient une direction. La montre de Thorne n'était pas, n'avait jamais été détraquée. Elle s'était tout simplement transformée en boussole. Une boussole dont les trois flèches à 7 secondes signalaient l'ascenseur qui arrivait. La porte de la cabine s'ouvrit sur Lady Septima et Sir Henry. Sauf que Sir Henry n'était pas un automate. Sir Henry était Thorne.